Daniel, je sais pourquoi. Livre psychographié par le médium Joël Uri. Avant-propos. L'ouvrage que vous avez entre les mains a été édité par l'IFRES après plusieurs années de réflexion. Comment doit-il être partagé ? Doit-il être édité par une grosse maison d'édition ou une petite ? Une multitude de questions qui restaient sans réponse. Toutes les personnes qui avaient lu cette histoire pensaient que cela pouvait même faire un gros tirage, mais nous ne savons pour quelle raison cela échouait à chaque fois au dernier moment. Aussi, nous avons décidé que c'est l'IFRES qui l'éditerait. Si demain un éditeur souhaite le faire partager avec un plus grand nombre de lecteurs, nous serons en mesure de le faire, mais dans l'état actuel des choses, vous pouvez dès maintenant le lire. Cette histoire est la continuité d'un travail qui a été commencé par les membres de l'IFRES il y a maintenant plusieurs années. Joël, qui est le principal médium de l'association, a commencé à recevoir des messages en écriture automatique en 1982. Durant un certain laps de temps, il recevait des messages d'un esprit qui se faisait appeler Jean et qui, nous le pensons, venait préparer le médium à recevoir ce genre de travail. Il nous a donné pendant près de 15 années des psychographies dans des domaines variés. La mémoire de la matière, la nourriture, les mondes habités, la foi, l'amour et maintes choses encore. Nous en avons publié une quarantaine dans un livre intitulé « Cahier de messages spirit » édité par le CESAC. Il a maintenant une dizaine d'années. L'histoire qui va suivre est le résultat d'une expérimentation médiumnique en écriture automatique dans le cadre des réunions hebdomadaires de l'IFRES. Il faut comprendre, afin de bien l'évaluer, de quelle manière elle a été obtenue. Elle n'a pas été pensée dans la retraite de l'écrivain. Aucun brouillon n'a été utile. Celui qui l'a transcrite n'a pas cherché ses mots ni ses idées. En fait, ce qu'il écrivait ne venait pas de lui. D'une manière spontanée, la main du médium a écrit des mots sans en connaître l'ordre final. Cette histoire fut donnée sous forme de dictée spontanée, sans qu'il soit possible de les appréhender ou de les susciter. Souvent, la suite que nous imaginions à la lecture des messages obtenus différait de nos conclusions. Certains écrits comptaient plus de 200 feuilles sur lesquelles étaient inscrites, très grossièrement, 3 à 4 lignes. Les séances duraient pour la plupart une vingtaine de minutes, pouvant aller jusqu'à plus de 35, durant lesquelles le médium ne marquait aucune pause ni hésitation, et ceci jusqu'à la fin de la dictée. Cette œuvre a finalement été donnée d'une seule traite. Les messages qui la composent ont été reçus sur 3 années, d'avril 1995 à avril 1998. En faisant la somme du temps passé en psychographie, l'esprit auteur serait resté 28 heures avec nous, soit moins de 2 jours. Cet ouvrage ne prétend pas être la preuve des contacts possibles avec le monde des esprits, mais est le résultat rigoureux d'une série d'expériences en écriture automatique. Bien que ce phénomène soit reconnu par certains psychanalystes et thérapeutes afin de faire s'exprimer un subconscient perturbé et malade, nous pensons, quant à nous, qu'il est le meilleur moyen d'entrer en relation avec d'autres plans d'existence. Nous nous sommes aperçus que, par ce procédé, un grand nombre d'informations obtenues échappaient aux connaissances mêmes du médium. Ce livre n'est cependant pas l'application de cette théorie, mais bien le témoignage d'un être spirituel, et c'est ainsi que nous vous le présentons. Nous vous laissons ensuite vous faire votre propre opinion sur le phénomène. C'est en toute ouverture d'esprit que nous vous proposons cette lecture. Jean-Luc Royens, président de l'IFRES. Voici le message qui fut reçu dès la fin de la première écriture automatique qui amena cette histoire. Nous médiumnisons cet homme et étudions sa capacité. Si nous n'arrivons pas jusqu'au bout, nous en choisirons un autre. Nous avons émis les premières lignes d'une longue histoire qui sera un enseignement. L'esprit Jean est le contrôle de ce rapport et a rédigé la dictée. Ce travail devra être soutenu mais ne pourra être provoqué. Nous nous approcherons selon vos disponibilités. Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux questions adressées au groupe d'esprit qui vient d'entrer en relation avec vous, mais nous pouvons vous éclairer. Un ouvrage de littérature est envoyé ici. C'est une évolution médiumnique. Mais il existe une lacune que le médium doit combattre. Celle-ci s'apparente à sa flexibilité et à sa concentration. Il faut beaucoup plus de préparation spirituelle avant ces exercices. Nous espérons que ce travail s'accomplira. Chapitre 1. Le passage. Nous étions sortis de la maison. L'après-midi était bien avancé et mes parents s'occupaient à la tâche. Ce dimanche avait commencé comme à l'habitude. Le temps était maussade, un ciel lourd et gris laissait passer quelques faibles rayons de soleil. Je me débattais avec mon grand frère jouant doucement avec moi. il évitait les coups que je tentais de lui donner. Nous nous aimions beaucoup. Il avait un regard fort et profond, sa voix était grave. Son allure de jeune homme me remplissait d'orgueil et m'émouvait à la fois. Il était mon ombre et son attention envers moi toujours soutenue. Nos jeux se finissaient toujours en grandes discussions où nos jeunes intelligences s'émancipaient dans le rêve et l'innocence. La lenteur de l'après-midi dépeignait bien le sens de la vie qui se déroulait dans cette campagne. Le temps y semblait absent, n'affectant pas les habitants qui, tels des caméléons, se confondaient avec les murs de leur maison, vieille et caverneuse. Un triste village où, plusieurs fois, j'avais cru au bonheur. Un haut clocher de l'église m'impressionnait et les statues de grande taille m'interrogeaient. Pourquoi toute cette énergie à construire ces choses et pour quel profit les dieux ont-ils soif de la sueur des hommes ? Le ballon de cuir roulait au sol, écrasant une herbe triste, asséchée par une veille ensoleillée et amoindrie par l'appétit des quelques volailles que nous gardions. Oh, notre maison, masure sombre, elle était gravée dans ma mémoire, imbibée du sang des miens qui un jour se répandait sur les murs et le sol. Nous nous roulions sur la terre, j'étais bloquée par les jambes de mon frère. Nous entendîmes ma mère hurler. Surpris, nous la vîmes sortir en furie de la maison. Nous nous relevâmes et avançâmes vers elle. Nous fûmes pris de torpeur lorsque, s'arrêtant devant nous, elle nous dévisagea, vidée de tout sentiment. Chancelante, en perte d'équilibre, en appui sur ses jambes à demi pliées, elle se tint la tête et nous dit « mes enfants, le diable a fini par me retrouver !» Puis elle tomba à terre, assise, les genoux repliés sur sa poitrine. Sa large robe retroussée nous fit apparaître l'épaisseur de ses jupons sales et mités. Je vis pour la première fois la femme qu'était ma mère, souillée et mal soignée. Notre pauvreté m'était alors devenue monstrueuse. La pauvre continuait à déglutir des sons rauques tout en se tirant les cheveux. Mon frère, me tenant la main, m'arracha de cette scène effrayante pour entrer dans la maison. L'horreur atteignit alors son paroxysme. Nous nous mîmes à sangloter, atterrés par une carence, celle de l'espoir et de la vie. Cette femme que nous savions malade et souffreteuse manifestait ici l'extrême de la démence en une manifestation fébrile et dévastatrice. Mon père gisait dans son sang, la tête tranchée et empalée sur le gros tisonnier de la cheminée. Notre chien était à ses côtés, gémissant et reniflant, sans jamais trouver le moment de s'arrêter, pressé par l'ambiance infâme qui émanait de la pièce. Ma mère était entrée derrière nous et, au-delà du seuil de la porte, masquant la lueur du jour, hurlait. « Vous êtes des leurs, Satan ! Mais vos légions ne m'effraient pas !» Elle frappa violemment mon frère à la tête. Celui-ci, tombant sur moi, me fit basculer à mon tour sur le corps de notre père. À peine relevé, je courus dans l'obscurité de la pièce. La terre battue semblait meuble et mon élan absorbé. Je me retrouvai alors dans le fond de la grande chambre où nous couchions tous. Je vis ma mère avancer vers moi, ses cheveux défaits tombant sur un visage percé de deux trous où je percevais un sombre regard. Sa bouche était crispée et ses mains tremblantes. Elle s'approchait en m'appelant et réclamant mon amour. Je sentais se dégager d'elle une forte odeur, un sentiment bestial. Où était cette femme qui me berçait et qui m'apprenait à prononcer le nom de Dieu ? Ma mort fut douce, par-delà une souffrance éphémère. Je perdis mon dernier souffle entre les doigts de ma mère. Son visage, effaré, disparut lentement et l'obscurité totale remplit ma vision. Mon cœur battait encore, pressant mon sang dans mes veines, faisant gonfler mes entrailles. L'étreinte mortelle de ma mère coupait mon souffle et les derniers sursauts de mon cœur envahissaient ma tête et ma gorge. Mon être tressaillait, mon cerveau semblait tournoyer dans mon crâne. Bien que ma vue ait été anéantie et mon sens du toucher absent, mon ouïe fonctionnait encore, tentant désespérément d'écouter et de reconnaître les bruits qui déferlaient autour de moi. J'étais remplie d'une sensation bien étrange, celle que l'on peut avoir lorsque l'on se découvre en pleine nuit, dans une ambiance très froide. Une sensation de nudité et de fragilité, de petitesse et d'absurdité relative à mon être et sa situation. Un bruit sourd et lourd retentit soudain, laissant derrière lui un écho. Je sais aujourd'hui que celui-ci était fait par mon corps, lâché par ma mère. J'entendais le chien hurler, ma mère ricaner, qui follement continuait à gloser sa vengeance au nom des feux de l'enfer. Cette ambiance sonore diminua, le silence m'envahit et je restais ainsi, dans une obscurité totale, avec comme seul soutien mes pensées et mes interrogations. Je n'évaluais pas encore ce qui venait de m'arriver et le terrible souvenir de ma mort, de ma famille, n'émettait aucune image en moi, aucune émotion. J'étais alors incapable de m'en souvenir, bien que j'en eus une certaine conscience. Je le savais, voilà tout, rien d'autre ne se produisait. Continuant à entendre des sons, je fus surpris par le reniflement de mon chien. Sans rien voir, je ne pouvais évaluer si mes déductions étaient justes. Je pensais à mon chien et crus l'appeler. Ses aboiements me crispaient. Je reconnaissais ici une sensation, une émotion là où je pensais être vidée de toute réaction. Puis je me sentis rebondir contre quelque chose qui semblait être une cage. La voix de ma mère m'arrivait par saccades, comme détournée par un vent contraire. La clarté de cet après-midi n'était plus. Le noir des ténèbres était dorénavant mon habitude. Les aboiements du chien se transformèrent, incertains, puis inaudibles. C'est ainsi que je crus reconnaître mon prénom, un appel au milieu d'un cauchemar. J'avais quelquefois la conscience d'un déplacement, du moins je le pensais. Des rires, des bruits insolites, des conversations confuses venaient à moi et m'horrifiaient, mais je restais dans le noir. Des minutes épouvantables, lancinantes, suivirent mon dernier souffle. Une attente qui me laissait prévoir le pire. Une absence de profondeur, une perception sans relief. Je songeais alors aux aveugles et ce que pouvait être leur vie. Mes pensées furent enfin entrecoupées par de fréquents appels. Mon prénom était sans cesse prononcé dans des directions différentes. L'angoisse glaçait le sang que je croyais avoir encore. Les moqueries et les injures prenaient doucement forme autour de moi, en des sortes d'ombres. L'incertitude devenait le domaine de ce drôle de séjour entre la vie et la mort.